nation. Y a plus de la guerre, de la misère. Je plains la pauvre planète Terre, car avec l'humain, c'est vraiment la galère. Mais c'est quoi tous ces gens qui deviennent violents? Y a de la violence partout, les gens deviennent fous. Mais c'est quoi tous ces gens qui deviennent violents? Y a de la violence partout, l'humain devient fou. Quand ils nous observent, les extraterrestres, ils se disent que les hommes, c'est de